pénurie. Moi je suis frustré par ces ensembles, tout le monde l'avait. Moi je l'avais pas, je rigolerais si j'avais su, mais j'avais pas tout j'ai su. Et sérieux, c'était serré, mais moi je battais pour sa ceinture. René Croco, je te connais pas, mais sur le terrain, vote à ta place. Toute l'année, tu niques la pelouse, promets la cause sur rue du Riz. 13 ans, j'accoste, t'es les Yankees, à chaque la rue, c'est pas des blagues. Vas-y, remballe, tout est bling bling. Sinon, chez toi, je vais faire ding dong, pas de dindin, tout est carré. Pour les curieux, j'ai mon 38, pas trop de boucan, l'affaire, je la bague. Vas-y, l'album, fous-le en boucle. Bendejo est dans les bacs, Luda en cul, la BAC, ça y est, c'est bon, y'en a assez. La squad tout seul, gère son assaut. Assimile pas à leur sautille. J'ai mes deux couilles pour assumer, je te dis frérot, c'est du ciment, pancaré, col, Bendejo, c'est moi, assure que c'est du seul. Passant comme un crocodile et comme René, je suis un renard, mais moi, chacun, je suis pas un vénard. Chante du vin, chante ses cafards, un de ses cafards qui a quitté le fou. Un de ces fous qui aime se frotter, j'ai frite le rap, ils veulent des fuites. Ils rêveraient que l'album fuite, mais moi, elle ne fait pas de faute. C'est un fait qui les fait fuir, laisse-moi faire, je suis plus gérant. René Croco, je te connais pas, la cité, tu connais qui met sur le terrain, quand à ta place, parce qu'avec moi, tu faisais pas de pause. Le Croco me faisait craquer, j'ai goûté, je veux tout le gâteau. On en a fait des criquets, ensemble les bleus, on faisait craquer. René Croco, je te connais pas, la cité, tu connais qui met sur le terrain, quand à ta place, parce qu'avec moi, tu faisais pas de pause. Le Croco me faisait craquer, j'ai goûté, je veux tout le gâteau. On en a fait des criquets, ensemble les bleus, on faisait craquer. Criquet sur criquet, c'est pour me saper en crocodile. Les bleus, je les ai craqués, bah ouais, René, on était grillés. Derrière les grilles, y'a plus de ruinard. Rappelle-toi, il était tard, t'étais sale et j'étais seul. Seul avec mon ensemble, m'en vais viser devant l'assemblée. J'suis très sérieux, j'fais pas semblant. Moi et René, on n'est pas semblable, mais moi le croco, on marche ensemble. J'en avais un, c'est l'essentiel. Et attention, je lâchais pas, de toute façon, j'ai jamais lâché prise. Avec René, on m'a lynché. Et devant les bleus, on était louche, même le noté, bro, y'a pas de lâche. J'te le dis, cache, ça veut des quiches. Pour René, j'en ai couché, j'ai même dormi dans des couchettes. J'me suis caché dans tes cauchemars. Avec toi, j'ai fait on a bu craché les styles, fait je sais plus combien de pays. Remonter des Pays-Bas pour tout niquer sur Paris. Comme René, j'étais pas aux nouvelles gênées, on fait la paire. Y'a pas meilleur, y'a pas pire. J'ai des clubs, joue pas au golf, chacun la squad, il est gonflé. René Croco, je te connais pas. La cité, tu connais qui met sur le terrain, quand à ta place. Parce qu'avec moi, tu faisais pas de pause. Le Croco me faisait craquer, j'ai goûté, je veux tout le gâteau. On en a fait des criquets, ensemble les bleus, on faisait craquer. René Croco, je te connais pas. La cité, tu connais qui met sur le terrain, quand à ta place. Parce qu'avec moi, tu faisais pas de pause. Le Croco me faisait craquer, j'ai goûté, je veux tout le gâteau. On en a fait des criquets, ensemble les plombs, c'est craqué.